إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أحبتي الكرام، بخير مساخ، نتابع بإذن الله في هذا اليوم المبارك حديثنا حول القواعد الكبرى في المسائل الفقهية. Donc, بإذن الله, on continue à parler sur les grands, les principaux fondements de jurisprudence. Et, في الدرس الماضي, nous avons vu que les cinq grands fondements étaient الأمور بمقاصدها. On avait vu dans le cours précédent trois fondements. On s'était arrêté au troisième. Il en reste deux, bi'idhnillah, qu'on va voir aujourd'hui. On avait vu al-umuru bimaqasidiha. On avait vu que les actes, les choses sont faites selon la finalité, selon l'intention. Les choses sont faites selon l'intention. Ensuite, on avait vu, la deuxième des règles, le deuxième fondement. On a vu al-yaqin la yazulu bishak. On a vu al-yaqin la yazulu bishak. On a vu que la certitude n'est pas repoussée, n'est pas effacée, n'est pas rejetée avec le doute. C'est-à-dire si la personne, elle était en état, on avait vu l'exemple, la personne elle est en état d'ablution et elle doute si elle a toujours ses ablutions ou si elle les a perdues. Donc on dit on reste sur l'yaqin, on reste sur la certitude, tu as, akhi, ou ma soeur, t'as tes ablutions. La personne, elle doute si elle est musulmane ou si elle est kafira, si elle est mécréant, on revient à la base, à la source, c'est, elle est toujours musulmane. Wa hakada. Donc, baqa makan ala makan. On avait vu les sous-catégories de ce fondement, pour celui qui veut revenir au cours précédent. Qu'ils reviennent pour voir les sous-fondements qu'on avait vus tirés de cette grande règle. Ensuite, on s'est arrêté au troisième fondement, c'était le troisième fondement, c'était al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. C'est-à-dire que la difficulté mène à la facilité. La difficulté mène à la facilité. Et on avait cité des exemples par rapport à cette règle. On avait vu que par rapport à une personne qui est en voyage, Allah Azza wa Jal, il lui a facilité pour qu'il n'y ait pas de mashaqqa, pour qu'elle ne fasse pas beaucoup d'efforts pour l'apaiser au fond d'elle et pour que ce soit pas dur à appliquer et à mettre en pratique sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une autorisation et c'est devenu une sunna. Et le prophète alayhi sallam nous l'a rapporté. La personne, elle fait al-taqsir, c'est-à-dire qu'elle regroupe al-dhuhr ma'a al-asr, et elle regroupe al-maghrib ma'a al-isha. Cet exemple, il rentre dans cette grande règle, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Et aussi pour celui qui est malade, il peut pas faire ses ablutions, donc il fait tayammum, il fait les ablutions sèches. Et aussi, on avait vu les sous les sous-catégories de cette grande règle qui était la wajiba ma'al ajz, On avait vu, il n'y avait pas d'obligation, la wajiba, mais il n'y a pas d'obligation en situation d'incapacité. La personne, elle ne peut pas. Donc on dit, il n'y a pas l'obligation, tasqut. La personne, on sait que la personne, elle doit prier debout. Mais si, elle a, si il est malade, c'est une obligation de se tenir debout pour prier. Si la personne, elle ne peut pas, ici, elle mashaqqatu. Allah Azza wa Jal, tu peux prier en étant assis. Donc, on s'était arrêté au troisième base, troisième fondement. Ils ont fait des ouvrages, ils ont fait des livres, des manzoumat. Et parmi ces grands imams, il y a Suyuti, rahimahullah. Donc, il a fait un livre où il parle de ses qawaid. Et Shafi'i aussi, ils ont une manzouma. Khamsun muqarraratun qawaidu madhhabi. Lishafi'i fakun bihinna khabira. Dararun yuzalu wa adatun qad hukimat. وكذا المشقة تجلب التيسير والشك لا ترفع به متيقنا والقصد أخلص إن أردت أجورا. Donc ils ont les ulama, ils sont unanimes sur ces cinq grands fondements de jurisprudence. Donc on arrive au quatrième fondement, c'est وجوب إزالة الضرر. وجوب إزالة الضرر أو لا ضرر ولا ضرار. La darar ou la dirar. Ici, la quatrième règle, c'est l'obligation de repousser le préjudice, repousser le mal, repousser le dommage. Donc, c'est une obligation de repousser le mal. Donc, هذه هي القاعدة الرابعة. Donc, c'est le quatrième fondement. والضرر لغة هو حصول الضر وهو خلاف النفع. Donc en langue arabe, ad-darar, le dommage. En langue arabe, yani ad-darar, c'est le dommage. Wa huwa khilafu an-naf'i, c'est le contraire du bien. C'est le contraire du bien. Wa huwa al-mafsada, donc c'est le dommage. Ad-dar, yani c'est le mal, et c'est al-mafsada, c'est le dommage. Et istilahan, ad-darar, istilahan, yani dans la législation, c'est al-ikhlalu bi maslahatin mashru'atin lin-nafsin aw al-akharin. C'est faire du mal à soi-même ou à autrui en lui causant un préjudice. Donc, ad-darar, donc ifsad, c'est commettre la corruption, commettre des dommages. Et on a beaucoup d'exemples par rapport qui montrent, qui expliquent cette qaïda. Donc, c'est comme la personne, elle creuse un trou en plein milieu, c'est du darar, donc c'est un dommage. Qui le fait à autrui, donc ça c'est interdit. Ou il met un obstacle sur le chemin. Donc ici il y a l'obligation d'enlever l'obstacle pour que les gens puissent circuler. Donc hada dar, donc c'est une obligation. Wujub izalat dar, une obligation d'enlever le mal. Ou si on a, si la personne en fait on lui fait du mal ou on lui prend ses biens, donc la personne elle doit repousser ce mal. Ou si la personne elle a volé on a prêté de l'argent à quelqu'un et cette personne on a prêté un bien, disons on a prêté un bien à une personne et cette personne elle peut pas ne rendre le bien parce qu'elle l'a perdu, je ne sais pas. Donc ici on dit si tu peux rendre le même bien, c'est bien, si tu ne peux pas, tu rends la valeur de ce bien. Donc donc et cette règle de wujub izalat ad-darar, donc c'est une obligation de repousser le mal et de corriger le préjudice et de corriger le dommage, c'est hadith Nabi alayhi salatu wassalam, Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu, il a rapporté, c'est la darar wa la dirar. Hadith rawahu al-Hakim wal-Bayhaqi wad-Dharqutni wa hada dalilun 'am, hada dalilun 'am. Al-hadith fihi ma qala. Donc le hadith فيه مقال. C'est vrai que الشيخ الألباني رحمه الله il a authentifié dans la Sahiha, ولكن فيه مقال قيل أنه مرسل. قيل انه مرسل. دونك le حديث مرسل il fait partie des catégories de hadith qui sont faibles. دونك ولكن يعني له طرق يعني تقوي بعضها البعض. حديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني ومالك في الموطأ وابن ماجه من حديث ابن عباس، وله طرق تقوي بعضها البعض. والحديث صححه الألباني في إرواء الخليل والسلسلة الصحيحة. دونك الألباني رحمه الله إلى غانديو تانتيك سو حديث. دونك القواعد المتفرعة دونك لي سوكا لي سو فوندمون دو سيت غراند ريغل، إليا القاعدة الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه. هنا الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه، c'est-à-dire que le dommage n'est pas repoussé avec un dommage qui est égal ou un dommage supérieur à ce dernier. Je répète, الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه. C'est-à-dire le dommage n'est pas repoussé avec un autre dommage, avec un dommage qui est plus important que lui. D'accord, on va voir des exemples بإذن الله. كما يقال بالمثال يتضح المقال. بالمثال يتضح المقال. Avec l'exemple, les dires sont plus clairs. Donc, par exemple, celui qui craint la misère ou qui n'a pas d'argent. Donc ici, il va pas enlever, voler l'argent des autres musulmans pour que lui, il puisse vivre. Donc il peut pas faire ça. Aussi la personne elle est donc pour donner un exemple plus clair, la personne elle est toute nue. D'accord? Donc c'est quelque chose de pas bien. Mais on va pas dire que il doit aller enlever les habits des autres pour que lui puisse se couvrir. Donc ici c'est la règle qui s'applique. Le dommage n'est pas poussé avec un autre préjudice, avec un autre mal, ou un mal qui est plus important. Donc bon, ça c'est, on a donné deux exemples. Ensuite, il y a une autre qaïda, un autre fondement, un sous-fondement. C'est ad-dararu yudfa'u qadar al-imkan. C'est le dommage est repoussé selon la possibilité. Selon la capacité, selon nos capacités, on pousse un dommage selon nos capacités, on fait de notre mieux pour pousser un dommage, c'est-à-dire une maladie ou autre, on fait notre possible. Une autre sous-catégorie, toujours dans ce fondement, c'est « Tudfa'u a'la al-mafsadatayn birtikabi adnahuma ». تدفعوا أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. C'est-à-dire que il y a deux dommages. Il y a un grand dommage. En fait, il y a deux dommages. Donc, on repousse le plus grand en commettant le plus petit. Il y a deux dommages, deux mal, deux préjudices, deux choses qui sont pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va repousser la plus grande en commettant la plus petite, le plus petit dommage, le plus petit mal. Donc des exemples pour ça, on a des musulmans qui sont capturés par des koufars. On sait très bien que donner de l'argent aux koufars, c'est haram, c'est interdit, donner de l'argent aux koufars. Mais ici, s'il faut donner de l'argent pour récupérer les musulmans qui sont emprisonnés, on le fait pour récupérer ces musulmans-là. جواز دفع نائس هنا جواز دفع المال للعدو المحارب لاستنقاذ أسرى المسلمين إذا كان لا يمكن استنقاذهم إلا بذلك. فنرتكب مفسدة ولكن أدنى المفسدتين، يعني ندفع المفسدة الكبرى وهي إبقاء المسلمين بيد الكافرين، ندفع هذه المفسدة الكبرى بدفع الأموال pour récupérer les musulmans qui sont chez les koufars. Et aussi, quand la mère, on a aussi un autre exemple, il y a deux mafsadatayn, deux dommages, deux mâles qui sont là, mais on va repousser un mâle pour repousser le plus grand mâle par celui qui est plus petit. C'est aussi quand la femme elle est enceinte et que elle va mourir et la seule solution pour sauver le petit, c'est d'ouvrir le ventre de la mère et donc et cela va conduire à la mort de la mère. Donc ici on le fait pour sauver le petit. Donc c'est des situations que les médecins doivent savoir vu que c'est leur spécialité. Mais ici les ulama ils disent que c'est annahu jaiz fa mafsada التي هي شق بطن الميت لدفع مفسدة أكبر وهي موت الجنين وهي موت الجنين الذي هو في بطن الأم. Donc ça c'est on avait vu قاعدة يعني تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. Donc on pousse un mal en commettant celui qui est moindre, en commettant celui qui est moindre. Ensuite on a une autre قاعدة qui vient sous cette grande قاعدة. Un fondement, c'est dar'u, donc tout que les gens connaissent, c'est dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih. Dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih. C'est-à-dire, repousser les dommages est prioritaire sur le fait de d'avoir et d'acquérir du bien ou avoir des intérêts ou avoir une maslaha, avoir des droits acquis. Si on peut appeler ça comme ça. Donc repousser le mal est muqaddam, est prioritaire qu'avoir des intérêts, qu'avoir des choses qui sont bénéfiques. Donc هذه قاعدة أخرى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هنا ليس عندي أمثلة لذكر هذه القاعدة. Ensuite on a la cinquième des قواعد. C'est le cinquième fondement, c'est al-adatu muhakkama ou qa'idatu al-urf. Donc si on a l'habitude, l'ada, l'habitude ou les mœurs qui sont légiférées, les bonnes mœurs légiférées ou al-urf, c'est-à-dire les coutumes. Ou al-adatu yama'khuda min al-awdi wal-mu'awada wa huwa al-tikrar. Dans la langue, l'ada, l'habitude, c'est les prises du mot al-mu'awada, c'est-à-dire la répétition. Wa huwa tikrar, c'est-à-dire tikrar, yani idha takarrara shay, c'est la répétition de la chose. Wa ma'na muhakkama, yani muhakkama al-'ada, al-'ada muhakkama, c'est-à-dire l'habitude muhakkama, c'est-à-dire wa al-fasl wa al-qada, le hukm wa al-fasl wa al-qada bayn an-nas, c'est-à-dire c'est jugé et tranché dans le jugement entre les gens. Donc ni al-'ada al-muhakkama bi-shiddah 'ala al-kaf. Wa al-'urf, ici al-'urf c'est-à-dire les coutumes, huwa at-tatabu' wadh-dhuhur. Lughatan al-'urf huwa at-tatabu' wadh-dhuhur wal-itmi'nan. Yuqal ta'arafa an-nasu 'ala kadha. Ta'arafa an-nasu 'ala hadhihi al-mas'alah, ta'arafa an-nasu 'ala yani tatabu'uha wa ittaba'uha. C'est une chose qui a été apparue et les gens ils l'ont pris bil kaboul et tout le monde tous les gens du pays ou de la région connaissent cette chose et c'est pas une chose qui leur est étrangère donc tout le monde applique et suit. والعادة في الاصطلاح الفقهاء هي الأمر المتكرر عند أغلب الناس. والعادة في الاصطلاح الفقهاء هو الأمر المتكرر عند أغلب الناس حتى يكون متقبلا غير مستنكر ولا مستغرب. Ici l'ada, c'est-à-dire l'habitude, c'est quelque chose qui se répète chez la majorité des gens ou certaines personnes du pays ou de la région. حتى يكون متقبلا, ما معنى متقبل, jusqu'à que cet acte-là il est accepté, jusqu'à que cet acte-là il est accepté et il n'est pas renié et il n'est pas repoussé par les gens. C'est-à-dire tu fais une chose qui n'est pas repoussée par les gens. والعرف اصطلاحا, et la coutume dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ma a'tadahu أغلب الناس أو طائفة منهم من قول أو فعل أو ترك. كوم العرف يعني لا كوتوم سي اصطلاحا دان لا ليجيسلاسيون سي سو كو لي جان اون يو لابيتود دو فير او ان جروب دو بيرسون اون يو لابيتود دو فير دان لي دير لي زاكت او لو ديليسمون دو شوز c'est-à-dire لي جان اي ديليس سات شوز اي لو فون ا لونانيميتي دونك سي ديفوني اون كوتوم سي ديفوني ان عرف انتر لي جان. والمراد بالقاعدة donc le sens ici de ce fondement أن العادة أو العرف يكون مرجعا وحكما في بعض الحالات والصور مما سيأتي بإذن الله. donc on va voir que العادة أو العرف donc les habitudes ou les coutumes sont une source avec lesquelles on juge dans certaines situations où on n'a pas de dalil tiré de la sunna ou du kutub, on revient au عرف. Comme l'istisha, donc c'est à des ahkam, c'est donc c'est après on va rentrer dans usul fiqh. Après ici on parle de usul fiqh, c'est autre chose. On parle ici de des fondements. Amthila, donc on va donner des exemples. Mithal awwal, c'est al-kathra. Al-kathra ou al-qilla, c'est quand il y a beaucoup de harakat, de mouvements qui sont répétés dans la prière. Donc quand il y a beaucoup de mouvements qui sont répété dans la prière, on sait que as-salabat est là. On n'a pas vraiment un délil, mais si la personne, elle fait sa prière et que elle bouge, elle touche sa tête, elle touche ses pieds, elle touche, je sais pas, elle regarde sa montre. Donc il y a si les mouvements sont répétés, hada urf, donc c'est connu de tout le monde. Si comme ils disent le ulama, si la personne elle rentre et elle regarde la personne en train de bouger et en train de faire des mouvements, elle va dire cette personne elle ne prie pas. Donc ici ils ont dit si la personne elle bouge beaucoup, donc tubtilu salat, donc la salat elle devient batila, elle est invalide. Donc hadi yani مثال من القاعده والدليل يعني دليل قاعده دليل القاعده هو قوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعليهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث متفق عليه. Ici, Hadith Aisha Hind radiallahu anha, elle s'est plaint parce que Abu Sufyan, son mari, c'était quelqu'un d'avare et il ne donnait pas assez d'argent à sa femme Hind radiallahu anha. Donc elle s'est plaint. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit Khudi ma yakfiki, prends ce qui te suffit à toi ainsi qu'à ton enfant, bil ma'ruf. Bil ma'ruf, c'est-à-dire convenablement. C'est-à-dire d'une façon convenable. N'exagère pas. C'est-à-dire n'exagère pas, n'en prends pas trop. Prends ce qui te suffit à toi et à ton enfant. C'est-à-dire t'es dans un pays, tu sais que avec je sais pas 5 euros tu peux passer la journée ou 10 euros tu peux faire à manger. Donc tu prends ce qui te suffit selon l'économie du pays, selon ce que les gens mangent. Donc ici, هذه قاعدة. Donc شروط إعمال العرف. Donc il y a des conditions pour mettre en pratique les coutumes. La première des conditions, comme ils le citent les savants, c'est أن يكون العرف غير مخالف للشرع. Donc quand est-ce que العرف, la coutume est appliquée, c'est lorsque celle-ci elle ne contredit pas et elle ne va pas à l'encontre de la charia, de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens du pays ils sont d'accord sur cette chose, comme par exemple le fait que la femme mette du blanc après la mort de son mari. Donc c'est quelque chose qui connaît une coutume, donc et ça va pas à l'encontre de la charia, donc l'umma akhadathu bil qabul. Donc c'est quelque chose que les femmes elles le font. الشرط الثاني, donc la condition par rapport à la coutume, أن يكون العرف غالبا عند أهله كتعامل الناس بعملة واحدة في البلد فإذا أطلق الثمن في العقد انصرف إلى هذه العملة. Donc, la deuxième condition, c'est que cette coutume, il faut qu'elle soit une coutume majoritaire. C'est-à-dire que la plupart des gens la pratiquent. Il ne faut pas qu'elle soit minoritaire. Il faut qu'elle soit majoritaire. Donc, c'est ce que j'ai par rapport à cette qaïda qui est à l'orf. من أراد أن يتوسع كتاب السيوطي رحمه الله ففيه تفصيل يشفي الصدور وهو كافي ووافي بإذن الله سبحانه وتعالى. فملخص هذه القواعد الفقهية donc pour faire un résumé de ces fondements de jurisprudence, c'est les grands fondements. Nous avons vu le premier fondement, donc je fais un récapitulatif. Donc la première qaïda, le premier fondement, c'est al-umuru bi maqasidiha. C'est-à-dire que les actes ne sont faits que selon l'intention. On a vu la sous-catégorie, c'est la thawab illa bi niyya. Il n'y a pas de récompense que avec l'intention, c'est-à-dire que c'est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On avait vu une sous-catégorie qui est an-niyyatu shartun li sihhati al-a'mal. On avait vu une sous-catégorie qui vient, c'est l'intention est une condition pour la validité des actes d'adoration. Donc la qa'ida al-thaniya, c'est al-yaqin la yazulu bi-shakk. Al-yaqin la yazulu bi-shakk. C'est-à-dire que la certitude n'est pas effacée avec le soupçon ou avec le doute. Al-yaqin la yazulu bi-shakk. Et on avait vu trois sous-catégories. La première, c'était al-aslo baqa'u ma kan ala ma kan. C'est laisser ce qui était sur quoi il était. Laisser ce qui était sur quoi il était. Et la chose, elle reste telle qu'elle est, comme elle était. Donc, si on peut traduire mot à mot. La deuxième sous-catégorie, c'était al-aslo fil ashiya al-tahara. Al-aslo fil ashiya al-tahara. La source des choses, la base des choses, c'est qu'elles sont pures. Al-Qa'id al-Thalitha, donc le troisième fondement, c'était al-Mashaqqatu tajlibu al-Taysir. C'est la difficulté mène à la facilité. Et on a vu al-Darurat tubihu al-Mahdurat. La sous-catégorie, c'est la première, al-Darurat tubihu al-Mahdurat. C'est-à-dire les choses nécessaires. Permettre de faire les choses interdites. Et on avait vu la deuxième des sous-catégories, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Donc les obligations sont évaluées selon leur degré. Les choses nécessaires sont évaluées selon leur degré. On avait vu la wajiba ma'al ajz. La wajiba ma'al ajz, il n'y a pas d'obligation avec l'impossibilité. قاعدة الرابعة donc le quatrième fondement c'était الضرر يزال. Donc c'était obligation de repousser le préjudice, obligation de repousser le mal, une obligation de corriger, de repousser les dommages. On avait vu les sous catégories, c'était الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه, c'est-à-dire que le dommage n'est pas repoussé avec ce qui lui est égal ou plus important. On avait vu الضرر يدفع بقدر الإمكان, c'est-à-dire que les dommages sont repoussés selon la possibilité. Et on avait vu tudfa'u a'la mafsadatin birtikabi adna. On avait vu les deux mâles, on repousse le plus grand en commettant le plus petit. On avait vu dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih, c'est-à-dire repousser le mal est prioritaire sur le fait d'acquérir des intérêts et des masalih. Et la cinquième règle, le cinquième fondement, c'était al-'ada muhakkama aw qa'idatu al-'urf, donc c'était le cinquième fondement, c'est les habitudes qui sont légiférées ou les coutumes, les bonnes mœurs. On a vu donc les cinq grandes règles. Bismillah. نكتفي بهذا القدر. سأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.